Chapitre 7e. La jeune marquise n'avait pas, à un très haut degré, ce que depuis on a désigné sous le nom de sentiment des convenances. Par exemple, elle ne comprenait pas la nécessité de dire ce qu'elle ne pensait pas, non plus que celle de ne pas dire ce qu'elle pensait. On lui avait bien inculqué au couvent de sévères principes, aussi compassés et aussi minutieux que le cérémonial des révérences. Les révérences, avec leurs différents degrés de profondeur, s'étaient gravées tant bien que mal dans la mémoire de Gabriel, mais les principes menteurs de fausse sagesse mondaine, si nécessaires cependant pour vivre en paix avec les humains, s'étaient envolés avec le souvenir des leçons de grammaire. Au grand scandale de son beau-père, Gabriel aimait la marche à pied, au grand air. Elle ne pouvait souffrir que deux laquais galonnés lui servissent d'escorte lorsqu'elle allait dans le village voisin faire de porte en porte une apparition bienfaisante. Aussi le départ de son beau-père avait été pour elle plutôt un soulagement qu'une privation. Certains jours de février, un fallacieux soleil d'hiver, qui ressemblait fort à un soleil de printemps, se glissa si bien à travers les rideaux qu'il tenta la jeune marquise. La gaminerie de ses 16 ans, qui sommeillait en elle depuis longtemps, se réveilla soudain. Gabriel revêtit une mante de soie, appela la plus jeune de ses femmes de chambre, préférée en raison de sa jeunesse même, et sans prendre conseil ni souci de personne, elle sortit du château. Le parc ne l'attirait point. Elle aurait le temps de le connaître quand viendrait l'été. Et puis ce parc clos de murs, c'était encore le château, et sans bien se l'avouer, Gabriel pensait tout bas que cette somptueuse demeure ressemblait fort à une prison. Mais cette prison au moins avait sa clé sur la porte, car les deux jeunes femmes, marchant d'un bon pas, se trouvèrent bientôt en rase campagne. L'air avait ses douceurs veloutées, présage des changements de temps, qui fait rêver de lilas et d'aubépines même alors que les branches noires ne portent pour fleurs que des gouttes de pluie. La marquise se sentait heureuse. Elle jasait comme au beau jour du couvent, et sa compagne l'écoutait avec respect, comme il convient lorsqu'on est la servante d'une si noble dame. « Vois-tu, disait Gabriel, j'aurai un fils. Monsieur le marquis veut un fils d'abord et je ne puis le désappointer. On lui fera un baptême magnifique. Le roi sera sans doute son parrain. Nous lui ferons des robes de dentelle, rien que de la dentelle. Il n'y aura rien d'assez beau pour mon fils. » La jeune suivante souriait de cette joie presque enfantine qu'elle pouvait comprendre. Il n'était pas besoin d'être de grande noblesse pour se réjouir avec la jeune mère. « Et toi, dit tout à coup Gabriel, est-ce que tu as des enfants ?»« Non, madame la marquise, je ne suis pas mariée, répondit la soubrette. Mais ma sœur est née à un beau garçon, pas bien vieux. Il a eu 6 mois au nouvel an. Où est-il, ce beau garçon ? Fit Gabriel, soudain curieuse. La jeune servante indiqua quelques fumées dans un bouquet d'arbres. « Au hameau, que voilà ? Dit-elle. Une fantaisie germa dans le cerveau de la marquise. « Allons le voir, » dit-elle joyeusement, et passant son bras sous celui de la suivante, elle se dirigea vers ce hameau. Le hameau n'est pas riche aujourd'hui. Au siècle dernier, c'était bien autre chose. Le fumier gisait devant les portes, les chemins étroits refusaient le passage, les charrettes enfonçaient jusqu'au moyeu dans la boue. Mais ce spectacle n'offrait rien d'extraordinaire. N'en était-il pas de même partout ? La servante guida la marquise jusqu'à une petite porte basse, fermée de peur du froid. Le loquet céda, les visiteuses entrèrent. Gabrielle ne sentit pas l'odeur nauséabonde des demeures mal aérées. Elle ne vit pas la pauvreté des meubles, la nudité des murailles. Elle ne vit qu'un groupe où rayonnait la vie et la santé. Assise sur une chaise basse devant le feu, la jeune femme allaitait son enfant. Celui-ci, déjà rassasié, jouait avec le sein maternel, le quittait, le reprenait, faisait mine de le repousser, puis se rejetait avec avidité sur la source de vie si tiède et si douce. Un pied dans sa main, il faisait mille agaceries à sa mère qui, les bras tendrement serrés autour de lui, répondait à ses caresses dans ce gazouille que les enfants comprennent si bien et qui n'a de sens que pour eux. La mère et l'enfant étaient si fort absorbés l'une par l'autre qu'ils n'avaient pas remarqué l'entrée des visiteuses. La petite servante se dirigea vers sa sœur et l'appela par son nom. Effarée, la jeune femme se leva et fit une révérence. L'enfant, peu farouche, regarda la marquise avec étonnement, puis se remit avec ardeur à sa besogne. « Asseyez-vous, » dit Gabriel, « j'ai voulu voir votre enfant. Moi aussi, bientôt, j'aurai un fils. » Les mères s'entendent toujours entre elles, quelle que soit la différence de rang et de fortune. Au bout de 5 minutes, la paysanne pauvre parlait avec confiance à la noble dame et lui détaillait, les yeux brillants d'orgueil, les incomparables perfections de son enfant. « Il se tient debout tout seul, » dit-elle toute fière. « Voyez plutôt. » Elle démaillota rapidement l'enfant, qui, debout sur ses genoux, tout nu, superbe dans sa chair rose et potelée, s'appuyait à son cou et posait sa joue sur la joue maternelle, par habitude de câlinerie enfantine. « Que c'est beau, un enfant !» murmura Gabriel en joignant les mains. « Et comme il vous aime !»« Ce n'est pas bien malin, » dit l'humble femme avec sa franchise paysanne. « Nos enfants nous aiment parce que nous les élevons nous-mêmes. Il sait bien m'appeler quand il a faim, allez, et quand il est repu, il se souvient bien que c'est sa mère qui l'a contenté. » Gabriel se leva, passa ses doigts sur la joue rebondie du petit garçon, vida sa bourse sur la table et partit comblé de bénédictions. Le long de la route, elle ne dit rien. Sa suivante, étonnée de ce silence prolongé, se hasarda à lui demander si elle était fatiguée. « Non, » répondit Gabriel, « je suis contente. Je suis contente d'avoir vu cet enfant. As-tu connu ta mère ? » demanda-t-elle soudain à la jeune fille. « Oh oui, madame, et c'était une bonne femme qui a eu bien du mal à nous élever tous. Vous l'aimiez ? Je crois bien que nous l'aimions. Vous avait-elle nourri elle-même ? Tous, madame la marquise, et nous étions 9. Aussi, quand elle est morte, nous l'avons tous pleuré. » Gabriel rentra au château et dîna seul comme toujours. Quand elle fut dans sa chambre, elle attendit vainement le sommeil. Bien des idées nouvelles et étranges flottaient confusément dans sa tête. Elle n'avait pas connu sa mère, elle, et si elle l'eût connue, l'eût-elle aimée? Eût-elle parlé d'elle comme cette paysanne parlait de la sienne? Les femmes qu'elle avait vues à Paris avaient des enfants. Dirait-elle de ses enfants autant de joie que l'humble mère du petit garçon de là-bas? C'était beaucoup d'idées, et des idées bien peu répandues alors. Aussi Gabriel se trouva-t-elle impuissante à se les expliquer. Mais peu à peu, elles prirent une forme, et la marquise s'arrêta à une résolution pour l'avenir prochain, où elle serait mère à son tour. Chapitre 8e. Le jour attendu et redouté vint. Gabriel entendit le premier cri de son premier-né traverser l'air de sa chambre, et son cœur déborda d'une joie et d'un orgueil nouveaux. À peine l'appartement avait-il pris l'air de fête que donne une petite créature entourée de dentelles et de pompons, que Guy arriva. « C'est un fils, monsieur le marquis, » lui dit le médecin en s'inclinant. « Un fils, » répéta le marquis en prenant l'enfant qu'on lui présentait. « Un héritier pour la maison de Morez. » Il le tint un instant dans ses mains tremblantes près de la fenêtre et l'examina attentivement. « Il vous ressemble comme 2 gouttes d'eau, monsieur le marquis, » dit la vieille servante qui l'avait élevé. « Allons, tant mieux, » fit le père en souriant. Il pensa alors à la pauvre marquise, qui avait tant souffert et qui, de son lit, le regardait avec des yeux pleins d'ivresse. « Ma chère femme, » lui dit-il en s'approchant, « je vous remercie. »« Tu es content ?» dit-elle d'une voix faible comme un souffle. « Enchanté !» dit-il en lui baisant la main. Une expression de douceur, de joie et de résignation tout ensemble passa sur le visage de la jeune femme qui ferma les yeux et se laissa doucement aller au sommeil. Pendant la nuit, elle se réveilla plusieurs fois et s'informa de son fils. Le jeune comte dormait d'un paisible sommeil, lui fut-il répondu. Elle se rendormit aussitôt avec cette même expression qui lui donnait l'air d'un ange plutôt que d'une mortelle. Au matin, elle reçut la visite de son mari. « Asseyez-vous, Guy, je vous prie, » lui dit-elle. « Je suis très forte et j'ai à vous parler. » Le marquis obéit. La jeune femme le regarda 2 ou 3 fois, puis baissa les yeux et sembla hésiter. « Vous voulez que je vous fasse quelques présents ?» dit-il en souriant. « Soit, ma chère, je n'ai rien à refuser à celle qui m'a donné un fils. » Elle leva sur lui un regard reconnaissant. « Non, » dit-elle, « ce n'est pas un présent, c'est une grâce, et je vous prie en effet de ne pas me la refuser. » « Tout vous est accordé d'avance, » fit le marquis avec courtoisie. « Je voudrais, » reprit Gabriel, « si extraordinaire que cela vous parût, je voudrais obtenir de vous la permission de nourrir moi-même mon fils. » Malgré son respect pour les bienséances, le marquis ne peut retenir un soubresaut. « Nourrir votre fils, quelle idée! Nous avons une nourrice pour cela !»« Je le sais, mon ami. Mais on peut renvoyer cette femme avec un présent. Laissez-moi cette joie, je vous en conjure. » L'Émile de Rousseau ne devait paraître que plusieurs années après cette époque. et ce qui devait être une mode, un véritable engouement, semblait alors un caprice extraordinaire, l'aberration d'un esprit malade. « Cela n'a pas le sens commun, ma chère. Comment supporteriez-vous les fatigues de cette fonction? Laissez cela à ces fortes femmes de campagne. Elles n'ont vraiment d'autre mérite que d'avoir un lait généreux à donner à nos enfants. Mais vous, quelle singulière fantaisie !»« Guy, reprit la jeune mère avec ténacité, je vous en supplie. Ma vie est triste ici, je ne m'en plains pas. Je n'aimais pas davantage le monde que je devais voir à Paris. Mais puisque Dieu m'a donné la joie de mettre au monde un fils, permettez qu'entre lui et moi, rien ne s'interpose. Permettez qu'il ne connaisse que le sein de sa mère, qu'il ne cherche et n'aime que moi. » « Ma parole, s'écria le marquis en riant, je crois que vous êtes jalouse, jalouse d'une campagnarde. Ah, marquise, je vous croyais plus de jugement. Votre fils, s'il tient de vous, et j'ose le dire, de moi, sera trop attaché à ses devoirs pour mettre jamais le souvenir d'une nourrice entre vous et lui. Mais, insista Gabriel, c'est inutile, ma chère, dit le marquis en se levant pour clore l'entretien. Cela ne s'est jamais vu et je déteste qu'on se singularise. De père en fils, les Morez ont sucé un lait étranger, et il ne me paraît pas que la race en ait souffert. Il se redressa avec orgueil. Sa belle prestance et son noble visage faisaient en effet grand honneur à sa race. Laissons cela, dit-il avec plus de douceur à sa femme qu'il craignait d'avoir affligée. C'est une fantaisie de malade. Si je vous laissais faire, vous en seriez bientôt dégoûté. N'en parlons plus. Je vous avais réservé, reprit-il en changeant de ton, un joyau de famille pour le jour où vous donneriez un rejeton mâle à notre maison. Vous l'avez bien gagné. Il sortit un écrin de sa poche et le posa sur le drap orné de dentelles. Un collier à 5 rangs de perles magnifiques brillait sur le velours bleu. Gabriel le vit à peine. « Je vous remercie, mon ami, dit-elle néanmoins avec douceur. Nous trouverons encore quelques bijoux de famille pour fêter la bienvenue de notre second enfant, dit le marquis en baisant au front sa femme soumise, mais non résignée. Il sortit de la chambre et Gabriel, prétextant le sommeil, se cacha derrière ses rideaux pour pleurer à son aise. L'écrin ouvert était resté sur le lit. Le collier avait roulé dans un pli de la courte pointe. Qu'importaient les perles à la pauvre jeune mère? Et son fils fut nourri par un sein étranger. Chapitre 9e. Le roi fut en effet parrain du jeune héritier de Morez, et même la maîtresse du roi fut sa marraine, ce qu'il ne pouvait manquer d'ajouter à l'honneur conféré. Gabriel ne savait guère comment se gouvernait la cour en ces temps prospères de notre histoire, et le nom que tout Paris chansonnait ne lui apprit rien. Par prudence encore plus que par jalousie, le marquis avait prétexté un état de souffrance chez sa femme pour se dispenser de la présenter à sa majesté. Le vieux duc n'était pas content. « De mon temps, disait-il, sous le feu roi, les choses ne se fussent pas passées ainsi. Mais tout se perd. L'étiquette même n'est plus observée. » Hélas, ce n'était pas seulement l'étiquette qui s'était perdue, mais l'excuse du mari fut acceptée, et c'était l'important. Les gens habiles dirent qu'il avait manqué une belle occasion de consolider sa fortune, et les gens de bien l'approuvèrent fort. Le petit René revint au château de ses pères, tout couvert de dentelles et de rubans, dans un carrosse d'apparat traîné par 4 chevaux blancs harnachés de bleu, porté sur les genoux de sa nourrice, belle femme solide, haute en couleur, longue comme un peuplier et roide comme un pieu. Quand cette matrone entra dans la chambre de la marquise, celle-ci s'élança vers elle pour enlever son enfant dans ses bras et le couvrir de caresses. Mais elle fut arrêtée à mi-chemin par un geste si sévère et si majestueux qu'elle en resta indécise, se croyant en faute. Alors la nourrice présenta le front du jeune comte aux lèvres de sa mère, qui déposa un timide baiser puis se retira dans sa chambre où Gabriel n'osa la suivre. Cette nourrice était au fait du cérémonial, ayant déjà eu 3 nourrissons dans les premières familles de France, comme elle se plaisait à le dire. C'était le duc qui, sur la recommandation expresse d'une de ses vieilles amies, avait amené cette perle à sa bru. Dans ses mains expérimentées, l'héritier du sang de Morez ne pouvait que prospérer. Gabriel n'avait pas attendu le jour du baptême pour prendre la nourrice en grippe. La femme qui lui dérobait les caresses de son enfant eut dû être la douceur et la bonté même pour se faire pardonner cette usurpation. Loin de là, la pauvre petite marquise se sentait dominée par ce grenadier femelle qui, avec le respect insultant des domestiques de bonne maison, lui rappelait 20 fois par jour qu'elle, la marquise de Morez, n'était qu'une jeune écervelée, une enfant sans expérience, incapable de mener à bien l'éducation d'un rejeton si précieux. tout au plus, grâce à sa noble origine et à sa belle constitution, dont le jeune René avait hérité, pardonnait-elle à Gabrielle d'être la mère de son enfant. Le matin, quand la marquise avait appelé, la nourrice lui apportait le petit comte, mais sans le laisser passer de ses bras protecteurs à ceux de la pauvre jeune mère. Madame la marquise lui ferait du mal, il faut une grande habitude pour savoir tenir les enfants. « C'est mon fils, après tout, » lui dit un jour Gabrielle irrité, « et je veux que vous me le laissiez quand il me plaît. » La nourrice déposa son nourrisson sur les genoux de la mère, fit une révérence et sortit sans répliquer. Pendant une heure, Gabrielle, heureuse au-delà de ses espérances, caressa l'enfant endormi. Il était superbe. Ses joues, ombragées par de longs cils bruns, avaient cette belle pâleur mate des enfants nourris au sein. Le sang généreux circulait sous sa peau fine dans les veines bleues. Des cheveux noirs dépassaient déjà le petit bonnet. La jeune mère s'enivra de cette contemplation. Elle osait à peine respirer. Puis elle s'enhardit jusqu'à passer délicatement son doigt sur la peau satinée, à presser doucement les menottes fermées et rouges de santé. Bientôt, elle ne s'en contenta plus. Elle baisa à maintes reprises les mains et les joues, et les yeux fermés, si beaux dans le sommeil, et dont elle n'avait pas encore vu le regard, car on lui apportait toujours l'enfant endormi. Si bien que le petit garçon s'éveilla, et voyant pencher sur lui un visage inconnu, il se mit à pousser les hauts cris. Très effrayée, Gabrielle essaya de le calmer, mais sans y réussir. Elle appela, en vain, elle fit chercher la nourrice, qui fut introuvable. Au bout d'une demi-heure de recherche, pendant lesquelles le petit garçon n'avait pas cessé de crier, au risque de suffoquer, la nourrice se présenta enfin, aussi impassible, aussi solennelle que jamais. Au reproche que lui fit Gabrielle de l'avoir laissé seule avec l'enfant, la matrone répondit qu'elle avait cru bien faire, en exécutant les ordres de Madame la Marquise, et Madame la Marquise ne trouva rien à répliquer. Le soir, quand on apporta le jeune comte au baiser réglementaire, il était rouge et agité. Gabrielle en fit l'observation. Il lui fut répondu que ce n'était pas étonnant, vu ce qui s'était passé le matin. Pendant quelques jours, l'enfant fut indisposé. Le marquis, sur ses entrefaites, étant venu voir sa famille, la nourrice lui fit un rapport alarmant sur la santé de son héritier et se laissa arracher non sans peine l'aveu que Madame la marquise avait voulu se mêler de soigner le jeune comte. Ce n'était pas sa faute, à la pauvre chère dame, mais elle était si jeune, elle ne pouvait pas savoir. Le marquis aimait bien sa femme, mais il tenait par-dessus tout à conserver l'héritier de sa maison. Aussi fit-il part de ses intentions à Gabrielle d'un ton si net, que la pauvre enfant fondit en larmes. Vainement, elle essaya de se disculper, de rétablir les faits dans leur vérité. Son mari ne voulut pas l'entendre, et pour la première fois, il fut réellement dur avec elle. Reconnaissant sa faiblesse, Gabrielle garda le silence, pleura toute seule, et prit en haine mortelle cette nourrice qui lui avait volé son enfant et qui allait lui ôter le cœur de son mari. Sa douleur était si grande que pendant quelques jours elle fut malade. Par contre, depuis la visite du marquis, l'enfant allait à merveille. Cause innocente de tout le mal, la petite soubrette Toinon fut si touchée de voir sa maîtresse en cet état qu'un soir elle lui en parla la première. « Je vois bien, dit-elle, que Madame la marquise se consume de chagrin à cause de Monseigneur René. Si j'osais, je proposerai à Madame un moyen de voir le jeune comte sans que la nourrice le sût. « Tu le vois, toi ? » s'écria Gabrielle, aussitôt ranimée. « Oui, madame. Le soir, la nourrice aime à bien souper, et encore plus à bien bavarder. Au lieu de souper dans sa chambre, comme Madame le croit, elle descend à l'office avec les gens. « Et mon fils reste seul ? » dit Gabrielle, indignée. « Oh, madame, il en a bien l'habitude, car il n'est pas souvent en compagnie. Si madame voulait, nous irions le voir, et je ferai le guet. »« Allons, » s'écria la marquise en sautant en bas de son lit. « Tu me sauves la vie, toi, non, je ne l'oublierai pas. » Elle revêtit à la hâte un déshabillé, et doucement, à pas de loup, elle suivit son guide dans les corridors. La nourrice s'était fait éloigner de la jeune femme, sous prétexte que les cris de l'enfant troubleraient son sommeil. Toinon poussa une porte entr'ouverte, fit signe à Gabrielle de la suivre, et elles entrèrent. René ne dormait pas. Il avait alors 7 mois, et n'ayant pas été gâté par la compagnie, comme disait Toinon, il se divertissait tout seul avec quelques jouets laissés à dessein dans son berceau. À la vue de sa mère, qu'il ne connaissait que pour avoir crié en sa présence, il fit un mouvement de crainte que Toinon calma d'une caresse. « Il me connaît bien, moi, dit-elle, Nous sommes amis, n'est-ce pas, monseigneur ? Monseigneur lui avait pris les cheveux à poignée et tiré dessus de toutes ses forces. « Ne craignez pas, madame, » dit-elle héroïquement, « pendant qu'il me tient, il ne dira rien, vous pouvez vous approcher. » Ému, le cœur gros d'angoisse, Gabriel se pencha sous le berceau. Son fils, toujours fort grave, la regarda un instant, puis lâcha Toinon et saisit à pleine main les rubans de sa mère. « Voyez, » dit la bonne fille toute joyeuse, « il vous connaît déjà. Ah, le cher petit, il s'est baisé, madame, je le lui ai appris, la nourrice n'en sait rien. Baisez, mon petit seigneur, baisez votre Toinon. » Obéissant et toujours grave, l'enfant posa sa joue contre celle de la fidèle servante. « Et votre belle maman, baisez-la aussi, soyez mignon. » Sans se dérider, René posa sa joue fraîche contre celle de Gabriel, qui laissait couler de grosses larmes sur les jouets. « Il vous aime, madame, » s'écria Toinon, « c'est le sang qui parle. Il sent déjà qu'il est votre fils. » Un bruit au dehors les effraya, et ils se hâtèrent de quitter René. Rentré dans sa chambre, Gabriel courut à son secrétaire, y prit une poignée d'or et la jeta dans le tablier de Toinon sans parler. « Ah, madame, » fit la brave fille, « ce n'était pas pour une récompense. Tu as raison, » répondit Gabriel en l'attirant à elle. « Garde cet or, cela peut servir, mais sois sûr que je ne te crois pas payé. » Et la grande dame embrassa l'humble domestique sur les deux joues. « Je te devrai le bonheur d'être aimée de mon fils, » dit-elle, « et cela ne se paye pas. »